Il est en ce moment engagé dans une erreur dont il ne veut pas s'excuser. Il est en ce moment engagé dans une erreur dont il ne veut pas s'excuser. Il est en ce moment engagé dans une erreur. Il est en ce moment engagé dans une erreur dont il ne veut pas s'excuser.